La Dame aux Perles par Maurice Level. Devant le restaurant, sur le pas de la porte, Pierre Ravenot s'arrêta. Derrière la glace, par l'entrebâillement des stores, on distinguait les dîneurs. Les femmes étaient en toilette du soir, les hommes en habits. Cela sentait la joie, la nourriture chère, le luxe. Benoît Ravenot posa la main sur son bras. « Pas ici, ça coûtera des prix fous. » Il regarda la salle inondée de lumière, la rue où les rares passants se hâtaient sous la pluie, palpa son portefeuille à travers son pardessus mouillé et dit « Bon, nous verrons bien. Nous n'aurons qu'à commander des choses simples. Avec ce chien de temps, je n'ai aucune envie d'attendre sur un refuge le bon vouloir d'un chauffeur. » Et poussant sa femme devant lui, il entra. Tout de suite, la tiédeur du lieu et la musique l'égayèrent. Une table était libre, ils s'assirent. La jeune femme fut bientôt sensible au charme du cadre, à son élégance, qui contrastait avec leur existence modeste de petits fonctionnaires. Pourtant, elle eut honte aussi un peu de sa robe trop simple. Pierre la rassura d'une phrase et d'un sourire. « Tu es très bien. Et puis tu n'as pas l'air d'être venue pour épater les gens. » Elle lui sourit à son tour, reconnaissante. Cependant, elle demeura timide, presque craintive, troublée par les lumières et le bruit. Lui semblait fort à son aise. Il avait pris la carte et l'étudiait posément. Du temps qu'il était garçon, il fréquentait les cabarets à la mode et cette fugue imprévue le ramenait au souvenir de sa jeunesse. Jeunesse souvent désargentée, mais qui avait laissé sur ses lèvres un goût à la fois amer et doux. Et tout en parcourant la liste des plats, il se rappelait d'autres soirs pareils où il était venu, à cette même place avec une maîtresse qu'il aimait passionnément. « Tu as choisi ?» lui demanda sa femme. « Attends, je regarde. » répondait-il vaguement. Il revoyait dans sa mémoire l'ami d'autrefois et revivait des jours qu'il croyait morts. Leur rencontre, leur amour, la folie de dépenses qu'il avait prise, l'acharnement qu'il avait mis à satisfaire ses caprices, les courses chez les prêteurs, les sorties en grande toilette, les retours anxieux, parce que les billets de banque, péniblement ramassés, fuyaient entre ses doigts. Les discussions, les scènes et finalement la rupture, un soir qu'il avait dit. « Je n'ai plus rien. » Au fond, dans tout cela, plus de tristesse que de gaieté. Il avait refait sa vie d'autre façon et se félicitait, après les sottises passées, qu'elle fût si tranquille et si saine. Il reprit sa lecture. Le maître d'hôtel s'apprêtait à prendre ses ordres, offrant les plats les plus rares et les vins les plus chers. Il l'arrêta sans embarras et dit « Vous avez des petites marmites. Vous m'en donnerez une. Cela suffira pour deux. Ensuite... » Mais comme il levait les yeux, il aperçut, juste en face de lui, étalant la blancheur de ses épaules et le scintillement de ses bijoux, son ami d'autrefois. Il en demeura stupéfait, au point de ne pas achever la phrase commencée. Sa femme, qui se familiarisait peu à peu avec le décor et les êtres, regarda dans la même direction. Il s'en aperçut, baissa vivement la tête, puis la releva aussitôt, et son regard croisa celui de son ancien ami. Elle le fixa une seconde, prit son face à main, examina sa femme, et un imperceptible sourire plissa ses lèvres. Tout son orgueil de créature parée et adulée éclatait dans ce sourire. Elle aussi se souvenait et comparait. Et son air indulgent et hautain disait tant de choses. Il disait « Moi, je suis belle. Moi, je suis riche. Ma vie n'a changé que pour devenir plus élégante, plus coûteuse. Toi, te voilà devenu un petit bourgeois, l'époux de quelques petites jeunes filles de province, gentille peut-être, douce probablement, mais si pauvrement attifée. » Il comprit tout cela, et de rage, le rouge lui monta aux joues. « Eh bien, Pierre, décide-toi, » dit Madame Ravenot. « Le maître d'hôtel attend. Tiens, passe-moi la carte, tu ne sais pas, je vais choisir. » En face d'eux, penché vers son voisin, les yeux à demi cachés par sa main chargée de bagues, la jolie femme accentuait son sourire. Alors, empoignée par la colère, secouée d'un désir furieux de paraître, de montrer qu'il n'en était point réduit à ce qu'elle croyait, il attira le menu d'un geste nerveux. « Laisse-moi donc !» Puis à voix haute, il relut chaque ligne. « Vous nous donnerez des huîtres. Comme poisson, qu'est-ce que vous avez ?»« Si nous prenons des huîtres... »« Oh !»« Si nous prenons des huîtres, à quoi bon du poisson ?» risqua sa femme. Il répéta comme s'il n'avait pas entendu. « Quel poisson ? Des truites aux bleus ? Elles sont bonnes ? Inscrivez. » Monsieur pourrait ensuite prendre des cailles ? Proposa le maître d'hôtel. C'est une idée. Sa femme lui toucha le poignet du bout des doigts et murmura. Pierre, ce n'est pas raisonnable. Il haussa les épaules. Laisse donc, laisse donc. Et il commanda du foie gras, avec de la salade et un soufflet, ajoutant. Pour le dessert, nous verrons. Les vins, maintenant. Il arrêta son choix sur un très vieux sauterne, pour les huîtres, sur du mercuret, pour le gibier, et demanda du champagne pour le soufflet. À mesure que le menu s'enrichissait, le maître d'hôtel devenait plus attentif et plus attentionné. La dame aux perles faisait retomber son face à main et ne souriait plus. « C'est de la folie, » dit Madame Ravenot. « En ce moment où tout est hors de prix, quelle idée !»« Bon, » ricana-t-il, « on peut bien se faire plaisir de temps en temps. » Les mets devant lui, il mangea du bout des lèvres, parlant fort, riant à tout propos, buvant sec. Le repas achevé, il fait venir des cigares et des liqueurs. Leur table était encombrée de boîtes et de flacons. Il demanda l'addition, jeta des billets sur l'assiette, ramassa sa monnaie d'un geste négligent, sans contrôler, laissa un pourboire de prince et se leva. Comme il passait sans hâte devant la table qui lui faisait vis-à-vis, le chasseur lui demanda « La voiture de monsieur ?» Il hésita à peine et murmura « Par ce temps, il n'a pas dû venir. Appelez un cercle. » Sa femme le dévisageait, stupéfaite. Quand il eut fait trois pas, il expliqua en riant « Ça fait plus riche. » Elle rit à son tour d'un rire un peu inquiet. La dame aux perles les regardait partir. Il sortit sans se retourner, mais profita du tourniquet pour jeter un coup d'œil de son côté. D'amour, certes, il n'en avait plus pour elle et depuis longtemps. Il se l'assurait, du moins. Mais à coup sûr, son attitude n'avait pas été celle d'un pauvre air. Et il monta en voiture d'un pied léger. Mais quand ils furent chez eux, dans leur modeste quatrième sur la cour, il éprouva une grande lassitude. Et comme un dégoût de tout. Sa femme répétait en se déshabillant. « Tu m'as gâté, mais c'est une folie. Je suis sûr que tu n'as eu pour plus de 200 francs. Et demain, nous avons payé le charbonnier. As-tu de l'argent à toucher, au moins ?» Il étala le contenu de son portefeuille, une cinquantaine de francs, et hocha négativement la tête. Elle répéta. « Quelle folie! Comment allons-nous faire ?»« Tu ne peux pas lui dire de repasser la semaine prochaine pour la facture ?» murmura-t-il. « J'essaierai. » Il demeura pensif, honteux, triste à mourir. Mais, les yeux fixés sur les flammes où il croyait voir danser l'image de l'autre et le reflet de sa jeunesse, il goûta tout de même une joie orgueilleuse et secrète. C'était « La Dame aux perles » par Maurice Level.